Hello everybody, c'est Will et ça y est, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle édition de votre émission à base de punk, de metal et de rock, playlist éclectique et album à l'honneur, en fin d'émission, chroniqué et détaillé, tout ça pour votre plus grand plaisir, bien sûr, c'est dans le punk metal rock. Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Will et franchement ça fait plaisir de vous retrouver, en tout cas pour ma part en direct comme ça ce soir. Voilà, comme vous le savez, hein, j'étais après quelques petites pauses du coup depuis quelques temps, notamment surtout, voilà, vous avez pu le suivre grâce à la page Facebook, hein, depuis la fin de l'été en partie. Bon, déjà voilà, besoin quand même de vacances, besoin de souffler un petit peu, et puis mon projet aussi perso, comme je vous en avais parlé, Kraken, qui me tient grandement à cœur et sur lequel je bosse franchement des heures et des heures par jour. Je ne compte même plus les heures, hein, en semaine. Mais en tout cas, le projet avance bien et ça fait plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, bah, c'est vous de retrouver, hein, depuis tout ce temps, ce soir, pour une nouvelle édition du Punk Metal Rock. Voilà, la recette reste inchangée. La seule chose qui va varier un petit peu, allez, cette semaine, en tout cas, c'est qu'on va rattaquer encore avec une spéciale. Ah oui, toujours, je vous avais promis un album chroniqué. Vous en faites pas, on va y en avoir plusieurs. Et ce soir, il va y avoir surtout une petite émission qui va, entre grosses guillemets, résumer mon été, mes petites vacances aussi, où j'étais, comme vous le savez, à Paris, où j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous, également des artistes. Et franchement, ça m'a fait vraiment énormément chaud au cœur, dont l'artiste, voilà, qui va entamer cette émission. Voilà, le reste après sur la playlist, on y reviendra tout à l'heure, comme je vous disais, un petit peu émission entre guillemets, du coup, spécial là-dessus, donc pas d'album à l'honneur, et 12 pistes différentes qui vont vous être, enfin 11, pardon, qui vont vous être diffusées ce soir, dont une rencontre qui a été vraiment marquante pour ma personne à Paris durant ce petit séjour. J'ai pu le rencontrer, Laurent Diffre, chanteur, guitariste, un petit peu leader du groupe Radio Belgrade, groupe de grunge rock qui nous a sorti en 2016 leur troisième album, Supernova, qui est franchement un putain d'album. On ressent bien quand même l'influence de Nirvana, et franchement, d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, c'était recherché. Franchement, ce gars, il est tout simplement extra. Si vous n'avez pas encore entendu l'album, je vous conseille d'aller vous l'écouter, de vous le procurer. Franchement, allez-y, dites-lui aussi si son album est bien. Franchement, je sais ce que c'est, et des compliments comme ça, ça fait toujours plaisir. Ce gars est juste extra, et c'est pour ça qu'il nous entame l'émission ce soir avec Radio Belgrade, et justement la piste tirée donc de cet album Supernova en octobre. Qu'on aura oublié ton nom. Et ça fait du bien d'attaquer donc l'émission avec ça, le titre en octobre du groupe Radio Belgrade, de leur dernier album, donc je vous le disais, sorti en 2016, Supernova. Franchement, un très bon album, je vous conseille de l'avoir dans votre discothèque dans quelques années, je pense que vous ne regretterez pas de l'avoir écouté. Bon, ça après, comme on dit, seul le temps nous le dira. Et pour information, Laurent, donc le chanteur, a également sorti son album solo, un style quand même un petit peu différent, mais pour ceux qui aiment justement les textes, je vous conseille d'aller vous l'écouter. Allez, en attendant, on va remonter aussi maintenant, continuons l'émission et remontons un petit peu plus dans le passé avec une rencontre, c'était pas cet été, mais voilà, j'avais envie de leur rendre hommage parce que ces gars sont aussi vachement cool. Eux, ils nous tapent plus dans le rock un petit peu stoner, mais bien couillu quand même. Post 942 avec son EP Extend Play 2 cette fois-ci, donc sorti tout fraîchement en 2016. Je les avais vus, je vous le rappelle, hein, vous aviez eu aussi la news sur le Facebook de l'émission. Je les avais vus à Embrun, justement, au coin d'un bar en train de jouer et de mettre quand même la folie au niveau de la scène et du son, ce qui nous fait grandement plaisir. Et bon, on se les écoute tout de suite, hein, avec un titre tiré de ce deuxième EP, 49.3. Donc comme vous les avez entendus, Post 942 avec cette piste tirée de leur EP Extend Play 2, sortie donc aussi en 2016, c'était la piste 49.3 pour un petit coup de rock quand même bien poussé, bien burné et franchement des gars super sympas aussi. Allez, on va partir cette fois-ci sur autre chose, on va faire une sorte de légère transition dans quelques dédicaces que je tenais à faire maintenant. Voilà, j'ai fait on va dire un petit bout de groupe, maintenant on va faire autre chose, c'est un morceau assez spécial, ce morceau c'est le groupe Psychoid qui nous le sort, tiré de son EP Flash Test sorti donc en 2016, on va s'en écouter une piste, et cette piste je tenais à vous la passer surtout pour une chose, je n'ai pas pu le rencontrer hélas, mais c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec lui, ce sont des gars vraiment très sympas, c'est les gars bien entendu, je tenais à vous le dire, du label Music, le label qui a produit donc cet album de Psychoid Flash Test. Un label également qui rajoute des nouveaux groupes, surtout en ce moment, avec notamment Voice of Winter, qui nous sortira donc son album fin d'année, Childhood of Evil, un album que je vous chroniquerai, hein, bien entendu, également Moskowa avec The Mane of the Three Island. Bien entendu, il n'y a pas que ça, mais tout ça, j'y reviendrai dans une prochaine émission un peu plus en détail. Mais voilà, je tenais à leur faire une petite dédicace, un petit clin d'œil comme ça, avec ce titre d'un EP qu'ils ont produit, donc Psychoid, avec tout de suite Poltergeist. Voilà donc, vous les avez entendus, Psychoid avec Poltergeist, tiré de leur EP Flash Test, sorti donc en 2016 sous le label Music Record. Donc je vous disais également, un label qu'on retrouvera à l'occasion hein, dans le Punk Metal Rock, sachant que c'est un label partenaire de l'émission, et des nouveaux albums sont à venir d'ici la fin de l'année. Et ça franchement, ben, c'est plutôt cool et ça fait même assez plaisir hein. Allez, on va continuer avec autre chose maintenant. On va partir vraiment sur du classique, dira-t-on, dans le heavy metal. On va partir cette fois sur une dédicace d'un gars que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu boire également un coup sur Paris. Je vous invite également, si vous êtes dans la région savoyarde, si vous souhaitez également venir boire un petit coup avec moi, histoire de se partager une petite bière et de discuter un petit peu de musique rock, metal entre autres, et puis pas que si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me lâcher vos dédicaces, hein, soit là où vous écoutez, sinon www.punkmetalrock.com. www.facebook.com et je vous le rappelle également pour ceux qui le souhaitent sur mon portable, par message ou autre, au 07 85 51 13 73. Ce mec-là, voilà, je tenais à lui faire cette dédicace, il s'appelle René, il aimait bien quand même le bon rock assez vieux, et quoi de mieux pour ça qu'un groupe qu'il aimait bien, Motörhead. Ce groupe-là, bah, on va se l'écouter avec une piste assez sobre, assez sympathique, tirée de l'album sorti en 87, et ouais, un bon petit paquet d'années déjà. C'est l'album Rock'n'Roll, dont on s'écoute la piste éponyme. Tout de suite, Rock'n'Roll de Motörhead, pour vous, dans le punk metal rock. C'est bon et ça fait plaisir, Rock'n'Roll du groupe Motörhead pour vous dans ce punk metal rock tiré donc de l'album Rock'n'Roll sorti en 1987, hein, et ouais, déjà un bon petit paquet d'années, et pourtant ça vieillit pas, hein, au passage Lemmy rest in peace bien entendu. Allez, on continue cette séance dédicace qui va nous mener à presque déjà une demi-heure d'émission. Cette fois, je fais une dédicace à un copain également animateur radio. Je tiens bien entendu à vous parler de Spike, animateur de la Vampire Freaks. Je vous conseille d'aller le voir, d'aller suivre également si ça vous intéresse. son émission. Hein, n'hésitez pas, il fait ça comme moi, tout ça en bénévole pour votre plus grand plaisir. Et je lui fais une petite dédicace avec un groupe qui apprécie quand même bien. Et pourtant, c'est assez extrême, c'est du Symphonic Black. L'album est sorti en 2005, en tout cas pour ma part, version rééditée de Stormblast. Et le groupe Dimmu Borgir. Et bah, je lui dédicace cette piste-là, Sorgenskammer Del 2. Donc, pour Spike dans le punk metal rock. Et me voilà, Will, de retour après cette session dédicace qui était donc autre que Sorgens Kammer d'L2, donc du groupe Dimmu Borgir, tiré de leur album Stormblast, la version rééditée de 2005 pour ma part. Hein. Voilà, un côté assez bien extrême pour finir cette première demi-heure d'émission déjà. Et ouais, une demi-heure comme quoi ça passe plutôt vite. Mais en attendant, j'espère que tout ça vous a bien fait plaisir. Alors avant d'attaquer cette deuxième partie, qui va être une deuxième partie, dira-t-on, consacrée un petit peu plus à, on va dire, entre guillemets, de la nouveauté, toujours un petit peu de dédicace, également, comment dire, tout ce qui se rapproche à mon projet actuel, le projet donc Kraken et de son album Vengeance, qui sortira, je vous le rappelle, techniquement courant vers mi-2017, environ, un projet qui avance bien, ben, un projet qui a diverses influences et des influences que je voulais partager avec vous dans cette émission spéciale ce soir. Et bon, on attaque tout de suite avec un groupe de Viking Metal avec leur dernier album sorti en 2015. L'album porte le même nom que le groupe, c'est Mangarm, et on va les écouter tout de suite avec cette piste Odin's Owns Ye All dans le punk metal rock. Oh, Et oui, vous êtes bel et bien toujours à l'écoute du Punk Metal Rock. On a donc entendu à l'instant Raise Your Hands de Amon Amarth, dernier album en date Yom's Viking, sorti également cette année 2016. Et enfin, précédemment, c'était Odin's All Ye All du groupe Mangarm avec cet album, le tout dernier Mangarm, sorti quant à lui en 2015. Voilà deux pistes un petit peu, même assez bien. Viking Metal, dira-t-on, qui nous mène jusque maintenant dans l'émission. On va donc continuer un petit peu sur cette lignée après le côté assez, dira-t-on, pour le bien de qualifier, assez épique de Raise Your Hands. J'espère que tout ça vous plaît. On va maintenant partir sur de la nouveauté, en tout cas avec cette piste, un groupe que vous ne connaissez peut-être pas. Ce groupe-là, c'est Grimner. C'est tiré de leur album, le tout dernier Frostmoth-Held, sorti en 2016 également. On va taper sur la deuxième piste de l'album, une piste avec certaines particularités, dira-t-on, musicales, mais que je trouve quand même fort agréable à écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez de cette piste ou de l'émission, tout simplement, dans les dédicaces du PMR, hein, www.punkmetalrock.com. Vous pouvez lâcher vos dédicaces, m'envoyer simplement un mail, me dire de vous diffuser telle ou telle musique, c'est toujours avec grand plaisir. Me conseiller de diffuser votre groupe ou tel groupe que vous connaissez, tiens, c'est des amis à vous, n'hésitez pas, tout ça, vous pouvez le faire hein, sur le site du PMR, www.punkmetalrock.com. Mais en attendant, on repart tout de suite en musique avec Eldiarta du groupe Grimner pour vous dans ce Punk Metal Rock spécial. We'll be right back. Et voilà, c'était donc Grimner avec Eldiarta tiré de leur album Frostmoth Herald, sorti donc en 2016. J'espère en tout cas grandement que je vous ai fait découvrir ce groupe de Viking Metal, franchement fort sympathique. Mais vous en faites pas, on les retrouvera dans des prochaines émissions du Punk Metal Rock, soyez-en sûrs. Je vous le rappelle, si vous souhaitez me dire ce que vous en avez pensé, aussi bien de cette piste que de l'émission jusque-là, hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, www.punkmetalrock.com. Vous pouvez y lâcher toutes les dédicaces que vous souhaitez, hein, et je tiens à vous en remercier d'ailleurs. Allez, on va continuer l'émission, le temps passe quand même assez vite. On va donc continuer avec deux pistes, et tout d'abord celle-ci, je viendrai vous dire au revoir sur la prochaine qui va être une petite surprise. Allez, je refais du coup une petite dédicace en restant sensiblement dans le même style, en déviant un tout petit peu. Cette fois-ci, on va partir un petit peu plus sur du folk death avec ce groupe que je chéris tant, que je connais depuis maintenant un bon petit paquet d'années, qui suivent un petit peu le PMR et que je suis aussi depuis les débuts de l'émission, un tout petit peu après. Ce groupe-là, c'est Dracom, et c'était l'album sorti en 2014, déjà Torch Will Rise Again, et on va se les écouter tout de suite pour le plus grand plaisir dans ce punk metal rock avec The Wanderer. We'll be right back. Et voilà donc Drakkum qui referme toute cette playlist, sensiblement toute cette playlist de l'émission. C'était une petite spéciale avec The Wanderer tirée de leur album Touch Will Rise Again, sorti en 2014. Allez, avant de conclure, parce qu'il me reste quand même un petit peu de temps, bien que la piste que je vais vous passer dure presque 6 minutes, il me reste un peu de temps pour vous dire au revoir. Je tiens à vous rappeler, du coup, ce soir, l'émission a été accompagnée tout du long de en octobre avec Radio Belgrade et leur album Supernova, 49.3 de Post 942, Poltergeist de Psychoid et de leur EP Flash Test. Trois pistes de trois groupes français différents, trois styles différents mais qui savent nous faire plaisir. On a également continué avec deux dédicaces particulières, dont Rock'n'Roll de Motorhead, tiré de l'album du même nom, et enfin Sorgen Scammer del 2 de Jimmy Borgir, pour ma part tiré du Stormblast réédité en 2005. Et enfin, après tout ça, petite session un petit peu viking avec Odin's Owls Ye All du groupe Mangarm, album Manegarm également. Raise Your Horns de Amon Amarth, c'est leur dernier album Yom's Viking. Enfin, petite nouveauté avec Eldirta et du groupe Grimner, leur album Frostmotheld. Voilà, j'espère que cette émission dans son intégralité vous a plu ce soir. N'hésitez pas à me le dire dans les dédicaces. Les dédicaces, c'est au même endroit, bien entendu, que les podcasts, les playlists, tous les divers contacts qu'il faut pour me joindre. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, hein. Je vous le rappelle, si vous voulez passer votre musique dans l'émission, me dire un petit coucou, un petit message, ou bien passer votre groupe ou autre, n'hésitez pas, allez-y, hein. Vous retrouvez tout ça à un seul et unique endroit, en plus de la page Facebook, hein, Punk Metal Rock, bien entendu, c'est www.punkmetalrock.com. Et allez, pour se quitter, on va se quitter cette fois-ci avec de la grosse nouveauté, hein. C'est sorti il y a quelques jours seulement. Comme vous le savez, ils vont sortir un nouvel album d'ici courant novembre, d'ailleurs, si je me rappelle bien de mémoire. Le groupe, bien entendu, on ne le présente plus, Metallica, pas besoin d'en parler. Et cette piste-là, franchement, m'a bien plus conquis que Hardwired to Self-Destruct. J'ai bien entendu parlé de cette deuxième, Moth into Flame, de Metallica, piste qui nous referme donc le punk metal rock de ce soir en toute beauté. Allez, moi je vous dis donc à la semaine prochaine, même lieu, même heure comme vous le savez. See you soon, stay tuned, montez le son and stay metal.